Chapitre 7e, Kensky de Kiev. À une demi-verste environ de l'église de Saint-Andrea, Malcolm Hay arrêta sa monture et mit pied à terre. Il était las de cette traversée, sous le soleil implacable de la steppe, si monotone, malgré la richesse des moissons et l'éclat des niels et des genêts. Laissant son cheval en liberté, il alluma un cigare et monta sur le talus pour voir la vallée du Dniepr. Le fleuve majestueux coulait à sa droite. Devant lui, au bas d'une longue rue sinueuse et raide, se trouvait le quartier de Podol. Enfin, à l'horizon, le groupe confus des maisons somptueuses ou misérables, les toits étagés sur les collines et disparaissant à demi sous les arbres, la frange ajourée du clocher et l'étincelante coupole de Kiev. On était au mois de juin 1914 et Mr. Hay, ingénieur-chef de l'Ukraine Oil American Company, considérant, les deux mains dans ses poches, la beauté incontestable de la ville, se prit à envier le sort de ses habitants. Ce jour-là était le troisième d'une de ces fêtes locales tant appréciées par le peuple russe. Il n'y avait donc pas un travailleur au champ. Dans la tranquillité de la campagne, un homme apparut cependant. Revêtu d'une peau de mouton en dépit de la température accablante et poussant devant lui un âne chargé, il gravissait la côte d'un pas rapide. Arrivé auprès de Malcolm, il s'arrêta, prit une cigarette dans la poche intérieure de son manteau et dit gaiement « Dieu vous garde, petit père !»« Dieu vous garde, petit homme !» Le nouveau venu était un jeune garçon de bonne mine, à la face large, épanouie, aux sourcils noirs rapprochés. C'était le type du paysan loquace et bon enfant. « Je m'appelle Gleb, dit-il, et je viens du village de Potchkoï, où mon père a sept vaches et un taureau. Irez-vous aujourd'hui jusqu'à notre ville, au Spodar ? Sans doute. Dans ce cas, vous ferez bien de ne pas passer par la rue de Black Mud. » Ne recevant pas de réponse, il continua. « Vous pouvez vous fier à la sagesse de mon avertissement. »« Parfait, petit frère, » dit Malcolm en souriant. « Alors, pourquoi l'ai-je évité la rue de Black Mud ?» L'homme eut un rire silencieux. « C'est à cause d'Israël Kensky. Je pense que vous avez entendu parler de lui. Tout le monde le connaît à 50 lieues à la ronde. » Malcolm se souvint brusquement qu'il n'avait pas revu le vieillard depuis son départ de Londres. « Mais que lui reproche-t-on » demanda-t-il, ayant remarqué de l'animosité dans le ton de Gleb. « Aujourd'hui, je crois qu'on va lui faire un mauvais parti, à moins que le grand-duc n'envoie ses soldats pour contenir le peuple ou que la grande-duchesse n'intercède une fois de plus en sa faveur. » Ils ont donc une raison spéciale de s'attaquer à ce pauvre homme ?« Au Spodar, » dit le paysan, très solennel, « Kensky possède un livre magique. »« Les imbéciles le prétendent, du moins. On l'a vu, Excellence. Sa fille unique, Sophia, qui a été baptisée dans la foi chrétienne, en a parlé elle-même à l'archevêque. Vous ne savez donc pas, au Spodar, que ce livre contient le secret de la magie noire ? C'est là-dedans qu'Israël Kensky apprend à tourmenter les chrétiens et à se venger de ses ennemis. » Malcolm sauta au bas du talus avec un petit rire, moitié moqueur, moitié amer. Il se trouva une fois de plus devant la superstition têtue du paysan russe qu'il s'était toujours, en vain du reste, efforcé de combattre. À cet instant, on entendit un bruit de galop et une amazone déboucha au tournant de la route, se dirigeant vers la ville. Elle était enlivrée vert et or. Comme l'âne, accouru à l'appel de Gleb, s'était planté en travers du chemin, elle s'arrêta net et appela son écuyer. Ce dernier s'avança. « Écarte donc ta bourrique, coquin » gronda-t-il d'une voix de basse profonde. Il était grand, large, entièrement rasé, avec des cheveux roux et un nez bizarrement tordu, qui attira l'attention de Malcolm, spectateur nonchalant de la scène. Quant à Gleb, il avait joint les mains et la tête baissée dans une humble posture, il ne bougeait pas plus qu'une borne. La monture de la jeune fille se mit à donner quelques signes de nervosité. « Doucement, doucement !» lui dit-elle en anglais. Voyant que ni Gleb ni l'âne ne voulaient sortir de leur immobilité, Malcolm alla prendre l'animal par la bride et l'amena non sans résistance au bord du talus. L'Amazone était à deux pas de lui, il peut la voir à son aise. C'était une ravissante personne, mais ce qui le frappa surtout, ce fut l'extraordinaire charme féminin qui enveloppait l'inconnu comme une aurore. Elle, pour sa part, ne vit en lui qu'un banal passant, grand, maigre, bruni par le soleil, habillé avec de vieux vêtements et coiffé d'un chapeau déformé. Sous la mèche de cheveux irrégulière, elle remarqua cependant ses yeux. rempli de respect admiratif, sans doute, mais qui devait contenir, en temps ordinaire, infiniment d'esprit et de gaieté. Au moment où elle allait passer, son cheval se cabra et serait tombé sur Malcolm si ce dernier n'avait pas sauté en arrière, mais un petit cri de l'Amazone le fit s'élancer de nouveau. Elle chancelait, et il n'eut que le temps d'étendre ses bras pour la recevoir. Elle se dégagea doucement, se mit debout, les pommettes un peu rouges, et une lueur malicieuse passa dans son regard. « Je vous remercie, » dit-elle. « J'ai sottement perdu l'équilibre. Voulez-vous tenir la tête de mon cheval, je vous prie ?» Légèrement, elle sauta en selle, s'inclina avec un peu de fierté et partit au galop. Elle avait descendu la colline avant que Malcolm, interdit, fût revenu de son émoi. Gleb était toujours statuifié, comme en extase. « Allons, réveille-toi, espèce de singe !» dit Malcolm d'un ton bourru. « Tu aurais bien pu tenir la bride du cheval pour que j'aide cette dame à se remettre en selle. « C'est défendu, petit père !» répondit le paysan d'une voix rauque. « Elle est Casium, la propriété du tsar !»« Du tsar !» Il avait vécu assez longtemps en Russie pour savoir ce que ce nom inspirait de crainte et de révérence. Petit maître, c'était sa magnificence, la grande duchesse Yaroslav. Et Gleb s'en fut, laissant le jeune ingénieur atterré. C'était la grande duchesse et il ne l'avait pas reconnue. Il l'avait tenue dans ses bras. La réalité dépassait le rêve. Au bout de quelques minutes, pensif, il remonta à cheval et continua son chemin. Kiev, bâtie sur plusieurs collines, est la ville de l'Europe qui possède les routes les plus raides. Comme le promeneur voulait se rendre au grand hôtel, il avait encore à traverser Podol. Les rues de Podol lui parurent étrangement désertes pour un jour de fête. Il croisait seulement quelques vieux et quelques vieilles en costume de gala. Arrivé au quartier des Juifs, le plus pauvre, il avait oublié le conseil de Gleb et ne s'en souvint qu'en approchant de la rue de Black Mud où l'on entendait une grande rumeur. Bientôt, il put voir l'énorme affluence qui poussait ses clameurs menaçantes. Elle se dirigeait vers le portail d'une haute et laide maison appartenant au riche marchand Kensky. Le rassemblement grossissait de minute en minute. Les femmes criaient « À mort le juif, à mort !» Les hommes brandissaient des cannes, montraient le poing. Mr. Hay, connaissant les scènes d'excitation religieuse fréquentes à Kiev, se rangea le long du trottoir pour laisser passer la horde, s'étonnant seulement de voir tant de popes à barbe noire prendre part à cet acte de persécution. Il remarqua aussi, parmi les meneurs les plus acharnés, un grand diable en livrée vert et or qui s'efforçait d'entraîner les hésitants. Tout à coup, son cœur s'arrêta de battre. Par-dessus les têtes noires pressées, il venait d'apercevoir une main blanche levée en signe de commandement ou d'appel. D'un coup d'éperon, il lança son cheval parmi les manifestants, les envoyant rouler à droite et à gauche pour tâcher d'atteindre l'espace vide devant le portail de Kensky où se tenaient les deux principaux acteurs du drame. Des mains sales s'accrochaient à ses genoux, une pierre siffla à ses oreilles. Furieux de tant d'audace, le peuple lançait des imprécations sur son passage, mais il continua à avancer. Alors, il vit la grande duchesse debout face à la foule, les bras étendus pour protéger un petit vieux à barbe blanche tapis derrière elle, contre la grille, et dont la figure ruisselait de sang. Une clé cassée dans le portail expliquait l'impossibilité de sa fuite. Malcolm sauta à terre et courut à la jeune fille que son apparition parut consternée. « Pourquoi êtes-vous venu ? » s'écria-t-elle haletante. « C'est fou, allez-vous-en. »« Mais vous, » dit-il, « ils ne me font pas de mal. C'est au pauvre vieux qu'ils en veulent. Pouvez-vous faire sauter la serrure et le faire rentrer chez lui ?»« Donne-nous le livre !» hurla une voix de basse dominant le tumulte. « Et on te laissera la vie. Altesse, faites-lui donner son livre. » Malcolm envoya un coup de pied dans la grille qui céda. Il la franchit, moitié traînant, moitié soutenant le malheureux, mais la porte de la maison était close. « Votre clé, vite » demanda-t-il. Kensky mit ses doigts tremblants dans sa ceinture, tout en se dissimulant derrière le jeune homme, et celui-ci, dont l'attention pleine d'angoisse était absorbée par la grande duchesse, sentit tout à coup un objet lourd glisser dans la poche extérieure de sa veste, tandis qu'une voix étranglée murmura à son oreille « Gardez-le, Ospodard. Demain, à midi, j'irai vous le reprendre au grand hôtel. » La foule houleuse avançait toujours, et la jeune fille reculait maintenant devant cette formidable poussée. Dès que la porte fut ouverte, Kensky disparut dans la maison en criant « Venez, venez !» Malcolm fut d'un bond auprès d'Irène, cherchant à l'entraîner à l'intérieur. Mais une nouvelle circonstance changea la face des choses. Les clameurs des manifestants venaient de s'arrêter, remplacées par un claquement de sabots sur les mauvais pavés de la rue. Dans un éclair, Malcolm vit le chatoiement blanc et rouge des fanions, le verre bouteille des uniformes et l'acier des lances du peloton des Cosaques. Quelques instants plus tard, la populace avait disparu. Indifférent à l'invitation toujours plus pressante de Kensky, debout sur le seuil, le jeune homme et la jeune fille se regardèrent. « Vous avez été très brave, très imprudent, devrais-je dire, remarqua la grande duchesse. Vous ne connaissez pas le peuple de Kiev. Pardon, je le connais, dit-il d'un air sombre. Je ne devrais pas vous blâmer, il est vrai, car moi-même j'ai eu tort d'intervenir. Ils ont tué mon cheval. Mais où était votre domestique? Allons-nous-en, dit simplement Irène, feignant de ne pas entendre. Il n'y a plus de danger. Il allait la suivre, mais se souvenant du paquet qu'il avait dans sa poche, il se tourna vers le juif. « Tenez, dit-il, voici votre... Non, non, gardez-le, chuchota Israël. Qui sait s'ils ne reviendront pas ce soir? Ma fille leur a dit que je le portais toujours sur moi. Mais quel est ce précieux objet? Un sourire entr'ouvrit la bouche édentée du juif. C'est le livre magique. Tous voudraient le posséder, Ospodar, depuis le grand-duc dans son palais jusqu'au moujik dans sa cabane. Mon livre est envié de tous, et si je vous le confie pour une nuit, c'est parce que vous êtes anglais. Veillez soigneusement sur ce dépôt, car il détient le secret du bonheur et des larmes. Vous y apprendrez le moyen de vous faire des esclaves, de vous attirer l'adoration des hommes et des femmes. Hé, il contient même des recettes pour retrouver la beauté et la jeunesse. » Mr. Hay, interdit, ne trouva rien à répondre et s'en alla.